les chemins de la perdition, tous les feux sont au vert. Y aura toujours des volontaires pour se mettre la tête à l'envers. J'suis dans une logique fédéraire, donc j'prends tout mon darver. Si j'fais du charme à la barre, mais c'est pour qu'elle me paye des verres. Le rap français m'a enterré, j'vaux autant de buzz qu'un mort. Mais avant que j'baisse ce store, fallait bien que j'le remette un score. Canard, c'est de l'intérieur que ma passion me dévore. À l'instar Tigre, les wavers, j'ai un alien dans le corps. Y'a les leaders, les suiveurs et beaucoup se trompent de camp. Canard, depuis quand devrais-je avoir honte de camp? On peut plus fier en ce que les gens racontent. Ils ne savent plus parler d'eux-mêmes, pour rien dire, ça revient au même au bout du compte. Les hommes sont régis parce que leurs hormones leur ordonnent. Le diable est à l'affût de la bonne poire qui croquera dans la pomme. Dans le coup bas libre, il faut mieux qu'il y ait trop pas assez de rhum. Ce soir, c'est la pleine lune américaine, werewolf in London. On fait de la musique, endurcit les mœurs. On débarque dans ta ville en binôme avec le slove d'Alice Black Rovers. Dans l'esprit d'Halloween, je frappe à la porte des haters. No Weavers, c'est sûr sur la mémoire que Michael Myers. Y'a pas de rappeur au prorata, personne à non grata. Laisse pas traîner ton verre canard ou je vais te faire pétard. Les petites madames à son âge sont du David Guetta. Les parasites plein de cocaïne, d'MDL, Matt Guetta. Y'a tellement de vieux démons desquels faudrait que je me débarrasse. J'ai besoin d'un exorcisme canard, j'ai besoin du père Carras. Je n'appréhende plus coma, éthylique ni la crise d'angoisse. Taux d'humeur à écumer tous les rats de la rue de la soif. Montrer en vertu des corps à toutes ces fausses couches. C'est comme faire ma terrose, Marie Baby, une femme enceinte. A chaque fois que je me remets un shooter, je me remets une cartouche. J'empêtre dans des contre-pétris, je commande des crimes de peintre. Montrer l'envers du décor à toutes ces fausses couches. C'est comme faire ma terrose, Marie Baby, une femme enceinte. A chaque fois que je me remets un shooter, je me remets une cartouche. J'empêtre dans des contre-pétris, je commande des crimes de peintre. On est monté dans bon wagon pour finir en after. En attendant, je pars en freestyle dans le fumoir de l'Orient Express. J'ai toujours pas croisé le sosie, c'est Lannister. Y'a tellement d'alle dans la pièce qu'elles se prennent toutes pour des princesses. 2h22, j'ai vision slow-mo comme dans Matrix. À cette heure-là, je confonds les rives de l'orne avec les rives du Styx. Parle à ma biche, ma tête est malade, on vient de Twin Peaks. J'ai pas fait strike pour faire des rimes, mais pour rentrer des tricks. Y'a pas de rapta au prorata, personne à non grata. J'serais pas le cavalier taré, soit alors carta, basta. Y'a pas que taromba dans l'air quand on passe en full fire. Les slacks serrent les gens si well comme au bal des vampires. Y'a tellement d'addictions desquelles faudrait qu'on se débarrasse. Soit dans l'alcoolisme, canard, t'as living Las Vegas. Si la vie est une gare, le monde est un hôtel de passe. N'oublie pas sous son plumard, Catherine Tramel, planque un pic à glace. Ça rase les murs, pas près de voir le bout du tunnel. Pour éviter que les stars soient sourds nos semelles. On n'emprunte jamais deux fois le même itinéraire. On se faufile dans les venelles. Fais pas l'erreur des téméraires quand tu te frottes à ses amelles. Car mon sang froid dans ces mythos, qu'on soit disant sans chaud. Se vendent pour quelques vues. YouTube c'est leur proxo. M'invite pas à ton open mic, ça se termine en crip show. J'coupe la soupière à tous ces MC à la Jigsaw.